The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To iron. Repasser. To cancel. Annuler. Sales. Les soldes. To arrange. Ranger. Come on. Enfin. Now, a bit faster. To arrange. Ranger. Come on. Enfin. To cancel. Annuler. To arrange. Ranger. To iron. Repasser. To cancel. Annuler. To iron. Repasser. To cancel. Annuler. To iron. Repasser. Now, use the words in context. Repasser. You kidding? You think I have nothing better to do than iron your boxers? Tu plaisantes? Tu crois que je n'ai que ça à faire? Repasser tes caleçons? Annuler. I'm too tired. I canceled the theater for tonight. Je suis trop fatigué. J'ai annulé le théâtre pour ce soir. Les soldes. It's sale time. I'm looking forward to bargaining. C'est les soldes. J'ai hâte de faire de bonnes affaires. Ranger. Now that I've tidied my room, I can't find anything. Maintenant que j'ai rangé ma chambre, je ne retrouve plus rien. Enfin. Come on, I don't even know where you left the keys. Enfin, je ne sais même pas où tu les as laissées, ces clés. Repasser. You kidding? You think I have nothing better to do than iron your boxers? Tu plaisantes? Tu crois que je n'ai que ça à faire? Repasser tes caleçons? Ranger. Now that I've tidied my room, I can't find anything. Maintenant que j'ai rangé ma chambre, je ne retrouve plus rien. Enfin. Come on, I don't even know where you left the keys. Enfin, je ne sais même pas où tu les as laissées, ces clés.